La route sur laquelle je circule est prioritaire à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. À toutes les intersections. Oui, réponse C. Non, réponse D.